Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. 700 millions de Chinois. Nous n'étions pas dans une chanson de Jacques Dutronc, mais quelques années plus tard, en 1969, et telle était bien, approximativement sans doute, la population de la Chine populaire. L'émission de Jean Rabaud revenait sur la révolution culturelle en cours, sur la révolution chinoise à proprement parler, 1949, mais aussi beaucoup plus en arrière dans le siècle. Mao. Mao, c'est le général de Gaulle qui serait Clémenceau, selon André Malraux. Mao, qui, dans ses rencontres avec les Occidentaux, parlait en mémorialiste, en chef d'État, en visionnaire. Un chef, à coup sûr, entraîné à construire un régime effrayant, célébrant, encourageant, le droit à la dénonciation. Qu'était-ce donc que cette révolution culturelle, commencée en mai 1966, que 100 fleurs s'épanouissent, certes, que 100 écoles rivalisent, certes, promouvoir le communisme total et, au-delà, la révolution mondiale. Ah, sachez aussi qu'une bonne communiste ne devait pas porter de tresse. Mao et 700 millions de Chinois, première diffusion sur France Culture le 19 avril 1969. Veuillez écouter Mao et 700 millions de Chinois, un documentaire de Jean Rabaud. La révolution culturelle en Chine est-elle terminée? On en discute. Toujours est-il qu'elle a atteint son but avec le 9e congrès du Parti communiste, qui se tient au moment où nous parlons. Elle a été présente partout, cette révolution culturelle. Reportons-nous au témoignage d'un étudiant récemment revenu de Pékin. La révolution culturelle est présente partout. Vous montez dans l'avion, vous avez les hôtesses de l'air qui vous demandent de lire les pensées du président Mao Tse-tung et qui vous récitent et qui vous chantent ces pensées parce que ces pensées ont parfois été mises en musique. Vous allez au théâtre, c'est cette vie politique qui est montrée en scène, qui est montrée au cinéma, qui est montrée partout. La vie politique en elle-même, alors, est absolument présente tout le temps dans les ateliers. On arrête parfois le travail pendant les temps de pause. On étudie la pensée du président Mao Tse-tung avec le petit livre rouge. Et d'autre part, il y a parfois des meetings qui sont organisés dans les usines. Alors, nous avons eu l'occasion de voir ce propos, et l'autocritique d'un ancien dirigeant qui avait suivi la ligne de Liu Shaoqi et qui a été mis à l'écart, qui se retrouve au simple niveau d'un ouvrier et qui est amené, à qui on demande de faire son autocritique d'une manière permanente. Explication par un spécialiste de l'Extrême-Orient, Philippe de Villers. Je pense que cette révolution culturelle est le produit d'une double protestation, d'une double révolte. Elle est due à la révolte de Mao Tse-tung, qui ne peut pas s'accommoder de cette remise en ordre, de ce cours trop calme, d'une révolution qui s'embourgeoise selon lui, qui s'industrialise trop, qui assure trop la prédominance des villes sur les campagnes, et qu'il a donc lancé la révolutionnarisation de l'ensemble du peuple chinois pour protester contre la ligne bourgeoise qui, à ses yeux, avait prise Liu Shaoqi. Donc il secoue tout l'édifice, et il le lance, à défaut du parti qu'il ne peut plus rallier, alors les gardes rouges, la jeunesse. Et il a trouvé, pour ébranler l'ensemble de l'édifice, le concours de l'armée, qui, elle, s'inquiétait de cette tendance bourgeoise, peut-être pas pour les mêmes raisons que Mao, mais qui avait vu poindre le danger extérieur, en particulier avec l'offensive américaine au Vietnam, et qui considérait que pour faire face à la guerre probable, et même peut-être imminente, il fallait remobiliser la nation, et qu'on pouvait la remobiliser que si on galvanisait la campagne et qu'on revenait à ce qu'ils appelaient l'esprit partisan. Maurice Scienter, journaliste, a vécu 3 ans en Chine de 1965 à 1968. Cette révolution culturelle, eh bien, elle a éclaté à Pékin le 25 mai 1966 et le 7 janvier 1967 à Shanghai. Vous pourriez nous en décrire quelques scènes ? À Pékin, le 25 mai 1966, à 14h à l'université de Pékin, une jeune femme a écrit le premier Dazibao, c'est-à-dire la première affiche murale en gros caractères, dénonçant le maire de la municipalité, Pen Cheng, qui était 7e dans la hiérarchie, et l'accusant d'avoir voulu comploter contre le régime. Aussitôt, se sont ébranlés à travers la ville des milliers et des milliers de jeunes gens, et ils ont lancé, dans les 12 heures qui ont suivi, un ultimatum à la population pour s'habiller de façon prolétarienne. Cela montre justement le caractère ultranationaliste, le caractère chauvin de la ligne maoïste. Et pendant 3 mois, ces jeunes gens que l'on a appelés par la suite des gardes rouges, qui ont entre 10 et 20 ans, eh bien pendant 3 mois, ils ont été les maîtres du pavé. Ils ont ce qu'on appelle, je crois, conditionné la population. Vous pourriez décrire d'autres scènes de la révolution culturelle ? Oui, par exemple, personnellement, je travaillais dans une publication qui s'appelle Pékin Information, et j'ai vu arriver dans mon organisation des enfants de 10, 12, 15 ans. Les garçons s'adressaient aux jeunes gens, et même aux personnes plus âgées, et leur disaient « Tiens, mais tu as des chaussures à la Hong Kong ». C'est-à-dire que ces hommes avaient des chaussures un peu pointues et non point rondes comme celles du président Mao. Et il leur disait « Il faudra changer au plus vite de chaussures, hein, c'est intolérable ». J'ai vu des fillettes aussi s'approcher de jeunes filles de 20, 25, 30 ans, de femmes déjà, et leur dire « Il faut couper tes tresses ». Les tresses, c'est le symbole de l'oppression manchoue. Une bonne chinoise et une bonne communiste n'a pas à porter de tresses. J'ai vu plus grave. J'ai vu des jeunes gens faire interdire que les étrangers puissent avoir sur leur bureau des fleurs, car les fleurs, eh bien mon Dieu, c'est encore une préoccupation bourgeoise, n'est-ce pas ? On aime les fleurs et on oublie la révolution. Mais qui a pu conditionner ces enfants de cette manière ? Eh bien, c'est une question intéressante que vous posez, car en fait, elle porte sur un problème d'éducation. Et là, alors, on peut dire que cette première génération de la Chine populaire qui a à peine 19 ans. Cette première génération est accablante pour ce régime, que ce soit Liu Shaoqi là ou Mao Zedong. C'est accablant pour un parti qui a pu fabriquer, car ce sont des automates, n'est-ce pas, fabriquer une telle jeunesse. Pensez donc que, j'ai vu, l'armée populaire est obligée de protéger la bibliothèque de Pékin contre ces petits vandales. Cette bibliothèque est une bibliothèque qui contient des œuvres de toute beauté. Il y a tout de même des millions de livres, n'est-ce pas ? Ce n'est pas la nationale, mais c'est tout de même quelque chose. Tous les musées de Pékin, de la capitale, ont dû être protégés par les gardes rouges qui seraient rentrés, n'est-ce pas, tout massacrés, tout brisés. En profondeur, quels étaient les objectifs de la révolution ? Selon Mao Tse-tung, il s'agit de transformer l'homme au sens le plus complet, le plus total du terme. Il s'agit de faire en sorte que l'individu s'oublie totalement pour se fondre dans le moi collectif et ne soit plus qu'un rouage parmi le grand rouage chargé de promouvoir en Chine un communisme total et chargé aussi de promouvoir sur le plan international et bien la révolution mondiale. Est-ce que cette révolution culturelle a été sanglante ? Oui, elle est sanglante toujours, mais vous savez, il faut, lorsque l'on évoque la Chine, penser à un immense western, voire une population de 700 millions et plus, voire un pays de 10 millions de kilomètres carrés, très tranché, le nord avec son caractère, le sud avec le sien. Il faut voir des gens ne se comprenant pas toujours, car si les caractères sont les mêmes, l'intonation est différente, il suffit d'une autre intonation pour qu'on ne comprenne plus rien. Ainsi, par exemple, Mao Tse-tung, qui est un homme du Hunan, a un parler que ne comprend absolument pas un homme de Pékin. Alors là, dans ce contexte, bien, vous voyez maintenant des gens qui ont perdu le sens du travail, qui s'adonnent à une sorte d'anarchie larvée. Vous avez des régions où l'on travaille, des régions où l'on travaille moins, des régions où l'on se mitraille. Le sud, dans la province du Kwantung, le sud est sanglant. quand je suis arrivé à Hong Kong en juin 1968, je venais de quitter la Chine, eh bien, la rivière des Perles charriait jusqu'à Hong Kong des cadavres de Chinois mutilés, car la bataille faisait rage dans le sud. Et quand j'étais à Canton, que je n'avais pas revu depuis 2 ans, eh bien, j'ai vu une ville désolée, une ville triste, une ville où les gens avaient l'air mornes. Et cet immense hôtel que j'avais connu, qui recevait des étrangers et les invités du gouvernement dont j'étais, eh bien, cet immense hôtel propre, bien tenu, avec un personnel poli, était sale, un personnel déguenillé, les gens ne faisant plus rien. Mais il y a une raison aussi à cela, c'est que les maoïstes ont toujours dit, ceux-là qui ne produisent pas ne seront pas payés. Mais ils n'ont jamais eu le pouvoir de le faire, parce qu'ils n'ont pas la situation en main. Et alors on assiste à cette chose absolument peut-être unique dans l'histoire, c'est qu'une immense collectivité est payée à ne rien faire. Si bien qu'à votre avis, cette révolution culturelle n'a eu que des résultats négatifs. Oui, surtout, voyez-vous, si on a eu, comme moi, cette fortune de pouvoir vivre avant la révolution culturelle et pendant la révolution culturelle. Avant la révolution culturelle, j'ai vécu 10 mois et demi, n'est-ce pas, à Pékin. Eh bien, j'ai assisté tout de même à des choses considérables. Et je le répète, je ne suis pas un marxiste-léniniste. Je suis un libéral. Eh bien, les bicyclettes qui sont aux Chinois ce que sont pour nous les voitures, les bicyclettes, dans les 3 mois qui ont suivi ma venue, avaient baissé, de 30%. Et il en était ainsi pour d'autres produits. On assistait donc à un fait très précis. La production augmentée, les prix baissés, ce qui est tout à fait remarquable. Or maintenant, n'est-ce pas? Eh bien, si vous voulez acheter une bicyclette à Pékin, vous ne trouvez plus de bicyclette. Pourquoi? Parce que on n'en produit plus. Pourquoi? Parce que la révolution culturelle est passée par là, que Mao Tse-tung, dans un dogmatisme démentiel, n'est-ce pas, a supprimé la moitié des primes qu'accordait aux ouvriers Liu Shaoqi, et que les primes ayant été supprimées de moitié, la production a baissé d'autant. Revenons en arrière, très en arrière d'abord. 1893, Mao naît dans le Honan d'une famille de paysans aisés. 1911, révolution de Sun Yat-sen. 1912, Mao est aide bibliothécaire à Pékin. 1921, il figure parmi les fondateurs du Parti communiste chinois. 1926, il découvre et affirme l'importance de la question paysanne. Écoutons Georges Panchenier. L'une des raisons du triomphe de la révolution chinoise, c'est l'application tout à fait différente des principes marxistes par Mao Tse-tung par rapport à Lénine et par rapport à Staline. Le mouvement révolutionnaire international, en effet, s'est toujours appuyé sur les ouvriers au détriment des paysans, ou si on ne veut pas dire au détriment, tout au moins en se méfiant des paysans. Les paysans, dans un pays en révolution marxiste, sont des éléments un peu inquiétants, ce sont des gens qui ont le sens de la propriété, il peut y avoir ce qu'on appelle des koulaks, c'est-à-dire d'anciens propriétaires, par conséquent, on ne peut pas tabler sur les paysans. Or, en Chine, dès le début, Mao Tse-tung s'est opposé à cette vieille méthode révolutionnaire marxiste. La Chine est un pays paysan, il faut, disait Mao Tse-tung, un mouvement révolutionnaire paysan. Dès 1926, il a créé ainsi ce qu'il a appelé l'Institut du mouvement paysan qui, l'année suivante, en 1927, groupait à peine 327 membres. Mais ces 327 membres formeront la pépinière des cadres actuels de la Chine. Pépinière d'autant plus importante que Mao a toujours insisté, dès cette époque, à mener en parallèle l'éducation politique et l'éducation militaire. Il considérait qu'un révolutionnaire devait absolument être à la fois un marxiste et un soldat. Cette doctrine de Mao a été longtemps tenue en échec par le comité central chinois et notamment par le secrétaire général qui s'appelait à l'époque Chen Tuqiao, qui finit par être écarté après l'échec de la grève de Shanghai en avril 1927, et échec qui est relaté, vous le savez certainement, un grand nombre d'entre vous l'ont certainement lu, dans La condition humaine de Malraux. C'est une date clé que celle d'avril 1927, puisque c'est à ce moment-là que Chiang Kai-shek s'est séparé des communistes et a pris réellement le pouvoir. Dès lors, Mao s'est retiré dans le centre sud de la Chine, dans ce qu'on appelle les montagnes du Hunan. Et c'est là qu'il a organisé l'armée rouge. Il faut imaginer ce que c'était. C'est un pays énorme, montagneux, grand à peu près comme la France. Et c'est là que Mao a installé une véritable république soviétique, mais à sa façon et non pas à celle du comité central chinois de l'époque. Il se battait donc en même temps contre le Kuomintang, et il paraissait ignorer les directives du comité central. Cela a duré de 1927 à 1933, c'est-à-dire tout de même 6 ans. Les Japonais, entre-temps, avaient occupé la Mandchourie, et c'est juste le moment qu'a choisi le comité central pour écarter Mao de la direction du Hunan de cette république soviétique. Il a été pratiquement liquidé et les résultats sont devenus désastreux. La république soviétique chinoise installée entre le dans le Hunan a été attaquée de toutes parts. Les dirigeants ont décidé à ce moment-là, c'était en 1934, en automne 34, ce qu'on a appelé la longue marche. Aussi bien, Mao s'en est expliqué beaucoup plus tard avec André Malraux. Je lui dis, voyons, vous qui étiez toujours un marxiste, vous savez aussi bien que moi à quel point le marxisme posait la nécessité de fonder la révolution sur le prolétariat combattant. Bon, un jour, un garçon qui n'avait pas même 30 ans, qui jouait un rôle infime dans le parti, qui est vous-même, s'est mis à dire « la révolution ne sera pas prolétarienne, la révolution sera paysanne ». Ce jour-là, vous aviez tout le monde contre vous, et c'est à cause de ça que vous avez eu Staline contre vous pendant si longtemps. Est-ce une pure idéologie ou est-ce un événement? Qu'est-ce qui vous a amené à oser dire « nous refusons tout l'héritage marxiste traditionnel là-dessus et nous allons fonder la révolution sur le combat paysan ?» Et alors, il m'a répondu ceci. Quand j'ai quitté Shanghai au moment de la répression, chacun de nous a essayé de voir ce qu'il pouvait devenir. Certains sont allés à l'étranger. Pour moi, ce qui va être plus intelligent, c'était de rentrer dans mon village. Mon village était à 3000 km. Personne ne savait du tout quel avait été mon rôle dans le communisme à Shanghai. Il n'y avait aucun danger, c'était le plus raisonnable. Alors je suis parti pour mon village et j'étais obligé d'arriver à pied. Quand je suis arrivé à 30 km, a commencé une région extraordinaire, mais quand je suis arrivé à 6 km, il n'y avait plus une écorce aux arbres jusqu'à 4 mètres d'eau. La situation était telle que les malheureux hommes étaient obligés de manger les écorces des arbres. Et qu'ils devaient, avec quelle dysenterie et quelle maladie, etc., etc. Bon, dans ces conditions-là, on pouvait obtenir de meilleurs résultats en donnant une pique à un paysan qu'en donnant une pique à un coolie qui, en définitive, avait toujours à changer, vécu infiniment mieux que n'importe quel paysan. Jean de Lipkowski précise. Malgré le courage de l'armée rouge, elle était tellement faible à l'époque en nombre qu'elle, un jour, s'est aperçue qu'elle allait succomber sous l'offensive Chiang Kai-shek. C'était en octobre 1934. Alors Mao Tse-tung a décidé de sauver ce qui pouvait l'être de son mouvement et d'émigrer vers le nord, de quitter cette zone enserrée de toutes parts par les troupes nationalistes et d'essayer de transposer sa révolution plus haut, vers le nord, dans une province qui s'appelle le Shanxi, qui était en bordure de la Mongolie, c'est-à-dire avec des communications plus faciles avec la Russie soviétique. Mais pour atteindre le Shanxi, il fallait faire un parcours fantastique. Et ce parcours, les communistes chinois l'ont effectué en marchant pendant un an. C'est ce qu'on appelait la longue marche du 14 octobre 34 au 15 octobre 35. Les hommes les plus valides et les meilleurs combattants du parti communiste chinois, 100 000 hommes, sont partis pour essayer de gagner le Shanxi. Ils ont marché pendant 12 000 kilomètres. J'ai fait le calcul, ça représente une halte tous les 100 kilomètres, une véritable halte de repos tous les 100 kilomètres. Et pendant ces 12 000 kilomètres, ils n'ont cessé d'être poursuivis par les nationalistes et par conséquent, ils n'ont cessé de se battre. Voici comment Mao a trouvé le chemin de la victoire. La condition du peuple chinois était abominable. Le gouvernement de Chiang Kai-shek refusait de payer ses fonctionnaires. Dans certaines provinces de Chine, les impôts étaient levés 30 ans à l'avance. Chaque gouverneur qui arrivait dans une province n'étant pas payé par le gouvernement central essayait de se trouver ses propres moyens en levant quelques années d'impôts à l'avance, si bien que le malheureux peuple chinois était écrasé sous les dettes. La condition paysanne était navrante parce que la terre appartenait à quelques grands propriétaires terriens qui écrasait sous les dettes agraires le petit paysan. Et je ne parle pas de l'armée. Dans tous les régimes, dans tous les coins du monde, les hommes se battent lorsqu'ils ont des raisons de se battre. Eh bien, une armée qui n'est pas payée, qui voit ses généraux empocher toute sa solde, n'a aucune raison de défendre un tel régime. C'est le grand mérite des communistes chinois d'avoir fait lever ces masses paysannes qui étaient devenues très sceptiques parce qu'elles savaient au cours de leur immense histoire que toutes les révolutions qu'elles avaient connues ne leur avaient jamais apporté une amélioration de leurs conditions. Le mérite par conséquent de Mao Tse-tung et de sa petite équipe au départ, c'est d'avoir montré un sens psychologique très aigu. Ils n'ont nullement procédé pendant toute leur lutte contre Chiang Kai-shek par la violence. Ils se sont imposés par l'exemple. Pendant 20 ans de lutte contre Chiang Kai-shek, les communistes chinois étaient dans des zones qu'ils contrôlaient, pourchassés par les nationalistes, mais tout en faisant la guerre, ils administraient les zones qu'ils contrôlaient. Et ils administraient très bien. ils s'avéraient comme des administrateurs honnêtes et compétents en face de l'administration corrompue des nationalistes. Et peu à peu, c'est par la persuasion et non pas par des slogans communistes extrêmes qu'ils ont convaincu le peuple chinois de les suivre. D'ailleurs, ils n'ont jamais employé dans cette première partie de leur histoire les méthodes extrêmes de la révolution russe. Pas de violence, mais des exemples. On voulait convaincre le paysan chinois d'en finir avec l'exploitation individualiste et de se grouper en coopérative. Alors on faisait une petite expérience là, et puis on demandait aux paysans de vérifier combien cette expérience était plus intelligente et plus rationnelle que le travail individuel. Bref, en général, c'est par l'exemple et la persuasion que pendant toute sa lutte clandestine, le communisme chinois a rallié des suffrages. Quand j'ai vu Mao Tse-tung en 1946, au cours d'un dîner à Nankin, ce qui m'a le plus frappé dans ce qu'il m'a dit, c'était l'époque où la mission du général Marshall qui essayait de réconcilier Chiang Kai-shek et Mao Tse-tung avait échoué. C'était l'époque où nous savions que Mao Tse-tung allait quitter Nankin, n'ayant pas pu s'arranger avec Chiang Kai-shek pour reprendre les armes. C'était donc la veille de la reprise de la guerre civile. Et nous interrogions Mao Tse-tung pour lui dire « Mais enfin, cette guerre civile que vous allez reprendre, avez-vous des chances de la gagner? Vous êtes sans armes, vous n'avez pas d'équipement militaire, car les Russes n'ont jamais donné d'aide aux communistes chinois. En tout et pour tout, en 20 ans de lutte, ils ne leur ont donné que 7 mitrailleuses. Donc toute l'armée communiste chinoise s'est constituée par ses propres efforts et sans la moindre aide extérieure. Et en face de ces faibles forces, vous avez un Chiang Kai-shek qui est soutenu par les armes et les conseillers américains. Comment espérez-vous gagner cette guerre ? Et Mao Tse-tung nous a dit, cette guerre, eh bien, nous la gagnerons, non pas parce que nous avons des armes meilleures, mais parce que, enfin, après 20 ans, nous avons pu faire comprendre au peuple chinois que lui aussi avait droit à sa place au soleil, c'est-à-dire que nous avons enfin vaincu ce sentiment de la résignation du peuple chinois qui était chez lui millénaire. Jean de Lipkowski a vu les troupes communistes arriver à Nankin. L'entrée des troupes rouges restera toujours pour ceux qui, comme moi, ont vécu cette période, un souvenir assez curieux. Premièrement, nous avons vu arriver des gens extrêmement disciplinés. Leur discipline tranchait singulièrement sur l'indiscipline qui était apparente dans les troupes nationalistes. Nous avons vu des officiers qui vivaient au milieu de leurs hommes et qui entendaient avoir les mêmes conditions matérielles que leurs hommes, ce qui n'était pas coutume dans l'armée nationaliste. Et nous avons surtout vu des troupes qui ne se livraient à aucun pillage, ce qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire de la Chine. Je veux dire que lorsque les communistes après coup parlent de la libération de Nankin et qu'ils évoquent l'enthousiasme que soulevaient les troupes rouges dans les villes qu'ils conquéraient, c'est un montage a posteriori, dans la mesure où je n'ai noté aucun enthousiasme de la population qui ne savait pas très bien ce que c'était que le communisme, qui voyait simplement, une fois de plus, dans cette histoire de la Chine fertile en péripéties de tous ordres, un régime succédant à un autre, et qu'elle voyait de plus clair cette malheureuse population pressurée et habituée à être exploitée par les gouvernements quels qu'ils soient. Bien, ce qu'elle voyait de plus clair, c'est qu'elle allait une fois de plus faire les frais de l'opération, c'est-à-dire être livrée au pillage. Alors, la première chose qui a montré aux Chinois que quelque chose avait changé dans l'univers chinois, c'est la parfaite discipline communiste qui a interdit tout pillage et les rapports avec la population étaient d'une courtoisie, d'une correction parfaite. Mais encore une fois, l'entrée des troupes rouges à Nankin s'est passée sans aucun enthousiasme, avec une population qui se demandait ce qui allait lui arriver et qui observait les nouveaux vainqueurs avec inquiétude et curiosité. Ce n'est qu'après que nous avons découvert que derrière ces nouveaux vainqueurs, c'était un ordre nouveau, une Chine complètement nouvelle qui venait de naître. Cet homme humain, convaincu, certainement bon, qui rêvait d'un régime beaucoup plus juste que l'injustice dans laquelle son malheureux pays était plongé. Le paradoxe, c'est que cet homme, par la force des choses, a été entraîné à construire un régime effrayant. Comment a-t-il été entraîné à cela ? Eh bien, arrivé au pouvoir, il s'est aperçu que pour réformer un continent aussi gigantesque que le continent chinois, pour surtout arriver à en finir avec un certain nombre de caractéristiques du tempérament chinois qui sont l'individualisme forcené, l'absence de discipline, un sens critique très aigu, pour arriver à réformer profondément toute cette Chine traditionnelle avec ses habitudes, il fallait évidemment prendre en main l'homme chinois dans un étau implacable. Il a fallu s'attaquer aux structures traditionnelles, par exemple la famille, dresser la jeune génération contre l'ancienne, dans des circonstances très souvent choquantes, instaurer le droit de dénonciation des enfants contre les parents, dresser les classes l'une contre l'autre. Dans la réforme agraire, des procédés extrêmement violents ont été mis en œuvre, et c'est à travers la violence qu'on a essayé de faire naître un esprit de classe, de lutte de classe. Par exemple, un propriétaire terrien n'était pas autorisé à faire cadeau de ses terres au peuple. Il fallait que le peuple l'en dépossède après un procès public pour créer une sorte de haine de classe et créer ce sentiment révolutionnaire qui manquait encore à la classe chinoise. Et évidemment, toutes ces chocs, ces traumatismes infligés sciemment au peuple chinois pour faire craquer son armature classique se sont faits dans des conditions dramatiques. Il a fallu tuer ou faire disparaître 19 millions de propriétaires agraires pour instaurer cette réforme agraire. Et au fur et à mesure de cette révolution terrifiante, il a fallu aller toujours plus loin dans la doctrine. Au début, pendant les deux premières années du communisme chinois, on a tenu parole, on a dit aux paysans, on vous avait promis la réforme agraire, la voici, c'est-à-dire qu'on va enlever la terre aux paysans riches et la partager entre les paysans pauvres. Et puis, deux ans après, en 53, on a passé à l'autre stade, c'est-à-dire la communisation intégrale des terres, et les paysans sont aperçus que là, il y avait eu un malentendu et que ce régime qui leur promettait la terre le leur enlevait bientôt au profit de l'État qui était devenu le seul propriétaire des terres. Mais sous quel visage Mao apparaît-il à ses visiteurs occidentaux ? Jacques Duhamel va nous le dire. Il est grand, il est courtois, et dans la conversation, il est ironique. Il parle volontiers sur trois temps. Je veux dire par là qu'il fait des références au passé, c'est un mémorialiste qui ramène à la longue marche, à sa grande aventure, l'essentiel de ce qui se passe. Il parle au présent, c'est-à-dire que c'est encore aujourd'hui le véritable chef d'État au courant de tout. Et il projette dans l'avenir, c'est un historien qui replace ça dans l'éternité du temps. Cet homme étreint 700 millions d'habitants. C'est pour eux à la fois l'homme qui a conçu, l'homme qui a combattu, l'homme qui inspire et l'homme qui décide. Il peut être retiré, il est présent. Il est le chef, il n'y en a pas d'autre, et il n'est même pas certain qu'il y en aura d'autres. Je veux dire par là que en Chine, toute une génération, la génération combattante, est aujourd'hui au pouvoir autour de Mao, et il n'y a pas de nouvelle génération politique que Mao ait en quelque sorte formée, du moins encore. Il a, sur l'ensemble des problèmes, une lucidité extrême. Conscient peut-être de certaines insuffisances actuelles à l'intérieur de la Chine, mais fier de la présence chinoise désormais dans le monde. C'est dans l'ensemble de la conversation que l'on voit sa sérénité. Il traite de tous les problèmes comme s'ils étaient étrangers au moment et à sa personne, et pourtant on sait que sur chaque problème, c'est sa position et finalement sa volonté qui va s'exercer. Et c'est probablement l'un des rares hommes vivants de l'histoire qui ait pu, au fur et à mesure des temps, mais depuis 15 ans seulement, après avoir rêvé, et même rêvé quelquefois en poème, aujourd'hui constater ce que le temps va apporter de ce qu'il avait pensé. Il sait à cet égard qu'il n'achèvera pas tout de son vivant. Il faut, pour arriver au terme de ce qu'il a voulu, 5, voire 10 générations, c'est lui-même qui le dit, mais il est certain que, très conscient encore une fois des limites du succès présent, du temps nécessaire pour l'achèvement, il a la grande modestie des vrais orgueilleux. François Bénard a fait partie d'une délégation de parlementaires français en visite chez le président. Au cours de la conversation très détendue qu'il a eue avec nous et qui a duré près de 2 heures, il nous a montré combien il était pétri de cette culture auxquelles les Chinois sont tellement attachés. Il nous a beaucoup étonnés, car il nous a parlé des hommes du XVIIIe siècle, de ceux qui ont préparé la Révolution, et il nous a montré qu'il les connaissait parfaitement, et même, il nous a posé des questions qui nous ont embarrassés, nous Français, ce qui était gênant, puisqu'il nous a même demandé le nom d'un auteur du XVIIIe siècle qui a écrit « L'homme mécanique », et qui n'est autre que Orfroy de la Mettrie, membre du Parlement de Bretagne, et que Frédéric II avait préféré à Voltaire. C'est dire que ses connaissances en matière littéraire de notre pays étaient déjà très étendues, et naturellement, celles de sa civilisation le sont encore beaucoup plus. Par une autre question aussi, il nous a bien montré son caractère. Il nous a dit, puisque ça a été un dialogue perpétuel de questions et de réponses auxquelles nous avons eu à faire face pendant ces 2 heures, il nous a demandé... Et quel est le français, à votre sens, que j'admire le plus? Et bien sûr, c'est lui qui a répondu à cette question, il nous a dit c'est Napoléon. Pourquoi Napoléon? Parce que Napoléon, à ses yeux, c'est celui qui a propagé l'idée de la révolution de 89, la révolution française, la révolution mondiale maintenant, et qu'il a propagé à travers l'Europe, les armes à la main. Et Mao Tse-tung, eh bien, c'est cela, mais c'est cela pour la Chine. Et il compare, bien sûr, à ce moment-là, l'Europe à la Chine, et lui-même à Napoléon, qui... au long de cette longue marche, a propagé à travers toute la Chine l'idée de la révolution de Mao Tse-tung telle que maintenant elle apparaît aux yeux du monde. Jules Roy était à Pékin pour le 15e anniversaire de la révolution. À Pékin, sur la place Tiananmen, devant le pavillon des anciens jardins impériaux, Mao Tse-tung vient de prendre place avec le comité central et les hôtes d'honneur à la tribune. Le défilé à l'occasion des fêtes du 15e anniversaire de la Révolution va commencer. Il fait gris, le ciel est menaçant. Je me demande d'ailleurs si nous sommes à Pékin ou à Rome, sur la place Saint-Pierre, car il y a devant moi 500 000 jeunes gens et jeunes filles massés sur le parvis du temple, avec des fleurs en papier qu'ils brandissent. Ils composaient tout à l'heure les dates 1949-1964. 1949, le triomphe de la Révolution. 1964, le 15e anniversaire. Et tout à coup, l'ensemble a bougé et d'autres caractères ont apparu. Je me fais traduire « Vive Mao Tse-tung ». La musique de 1000 musiciens habillés de blanc attaque l'hymne « Salut au président Mao ». La foule acclame. Le défilé commence. Une statue de 10 mètres de haut de Mao Tse-tung ouvre la marche. Mao Tse-tung, au-dessus de son portrait géant, assiste du haut de la tribune au défilé de la statue géante de Mao Tse-tung. Les ballons de couleur sont lâchés, le triomphe débute. Cris, musique. Pendant 2h10, par rang de 100, les masses défilent en agitant leurs fleurs en papier. Les musiques se succèdent, se dépassent, s'enchevêtre. La cadence est la même et les cris étouffent tout. Tout le peuple chinois est représenté là. Les ouvriers de toutes les usines, les paysans de toutes les communes, les fonctionnaires de toutes les administrations, les conducteurs de tous les trains et tous les autobus, les minorités ethniques, les bonzes bouddhistes, les bonnes sœurs et les prêtres assermentés au régime, les étudiants et les professeurs, les artistes d'opéra et de cinéma, et en arrivant devant la tribune présidentielle, les cris deviennent plus aigus, les mains lèvent plus haut les fleurs, les ballons s'échappent qui emportent des nacelles où sont accrochées des banderoles, des slogans. Tout est là, sauf l'armée, qui n'apparaît jamais dans les défilés. À 11h10, les masses s'éloignent derrière une haie de drapeaux rouges. Une pause. Et tout à coup, au désordre, succède quelque chose d'impressionnant. La milice y arrive par bataillons serrés, tendus, dressés. Quelques mètres avant la tribune, les jambes se lèvent, les pieds frappent le sol avec une cadence terrible. Leurs armes sur l'épaule, jeunes, ardents, la tête haute, les corps de la milice représentent la jeune Chine pure et dure, prête à faire face à l'agression. C'est la foi et la volonté qui parlent. Mais il est de persistants mystères que les Européens n'arrivent pas à percer. Personne ne sait où habite Mao Tse-tung. Personne ne le sait exactement, sauf bien entendu les dirigeants du parti. En ce qui me concerne, quand j'étais à Pékin, moi je ne l'ai pas rencontré, mais à plusieurs reprises on m'a indiqué, des amis m'ont indiqué des endroits où il pouvait se trouver, et notamment ce qu'on appelle la cité interdite à Pékin. Pékin est formé depuis déjà des siècles, depuis le XIVe siècle, d'une succession de carrés inscrits les uns dans les autres. Il y a à la base ce qu'on appelle la ville chinoise, puis ensuite la ville tartare. Au centre de la ville tartare, il y a la cité impériale avec le parc Peihai. Et au centre de la cité impériale, il y a ce qu'on appelle la cité interdite, formée de trois palais successifs, des palais de réception et les pavillons impériaux. Eh bien, c'est dans l'enceinte même de la ville impériale que se trouve la nouvelle cité interdite du régime communiste chinois. Vu de l'extérieur, quand on passe sur le Tiananmen, la grande place, l'énorme place du centre de Pékin, on ne se rend compte de rien car il y a un immense mur très élevé, on aperçoit une ou deux sentinelles, mais enfin on ne peut pas savoir ce qui se trouve derrière. Et je me souviens d'un incident assez amusant, je passais justement devant ce mur avec mon interprète en voiture et je lui ai demandé qu'est-ce qui se trouve derrière ce mur. Il a commencé par me répondre, mais rien, je ne sais pas, j'ignore. Alors je lui ai dit, écoutez, vous ignorez, mais moi je suis sûr que c'est là qu'habite Mao Tse-tung. Et à ce moment-là, il m'a répondu, très gêné, non, ce n'est pas là qu'il habite, c'est certainement quelque chose qui appartient au parti. En réalité, il a fallu que j'attende le dernier jour de mon séjour à Pékin pour me rendre compte de ce qui se passait derrière ces murs, car j'y ai été invité à la suite d'une interview que je voulais, ou à l'occasion d'une interview que j'avais demandé à une personnalité officielle. On est venu me chercher à l'hôtel, au Xinchao, dans une voiture officielle, qui était une voiture bien fermée, avec des rideaux soigneusement tirés, car tous les déplacements officiels se font dans des voitures avec des rideaux fermés, et la porte de cette mystérieuse enceinte s'est ouverte à cette occasion pour moi. Il y avait des sentinelles qui étaient échelonnées à l'intérieur sur une énorme allée, tous les 50 mètres à peu près, et chaque fois qu'on prenait un virage, il y avait des sentinelles de nouveau qui nous dirigeaient vers l'endroit où je devais avoir l'interview. À l'intérieur de cette cité interdite, donc, dans laquelle véritablement personne n'a le droit d'entrer sauf les invités du parti, il y a toute une série de grands pavillons qui sont des pavillons qui datent soit du XIVe siècle, c'est-à-dire de la dynastie Ming, soit du XVIIe siècle, c'est-à-dire de la dynastie Qin. Et ces pavillons sont des pavillons naturellement à l'ancienne, énormément décorés en rouge et or, dans les tons impériaux. Et l'un de ces pavillons, je ne l'ai pas vu, mais l'un de ces pavillons est l'une des demeures de Mao Tse-tung. Aussi bien, les plus avisés spécialistes confessent-ils de bonne grâce leur difficulté à saisir l'évolution du communisme chinois. Je pense que pour comprendre ce qui se passe en Chine, il y a des problèmes d'interprétation qui sont extrêmement sérieux. Et j'ai eu, de la part de gens qui surveillent la Chine à partir d'Hong Kong, cette idée intéressante que lorsqu'on suit les événements chinois, on a un certain nombre d'indices qui, au bout d'un moment, semblent effectivement cohérents. Alors on les met sur un papier, et on s'aperçoit au bout d'un moment que ça paraît très cohérent, que ça se suit. Et puis quelques semaines après, ceci ne colle plus du tout, et il faut à ce moment-là mettre le papier à côté et recommencer à partir de nouveaux indices à essayer de trouver une ligne cohérente entre les nouveaux indices. Au bout de quelques semaines, on s'aperçoit que là encore, la cohérence disparaît face à une nouvelle corbeille d'indices et de renseignements. Alors on recommence comme ça, inlassablement, jusqu'à ce que finalement on s'aperçoive qu'il y a plusieurs lignes parallèles qui sont toutes cohérentes, mais qui se luttent, qui se combattent, et qu'il faut par conséquent insérer, faire cadrer dans un tableau unique. À ce moment-là, on commence à voir la vision très compliquée de plusieurs lignes en concurrence et en lutte, et à ce moment-là, on commence à comprendre. Il est en tout cas des points sur lesquels ces spécialistes s'accordent. Tibor Mande exprime une opinion répandue quant aux ressources et à l'avenir de l'économie chinoise. La Chine a toutes les ressources nécessaires pour devenir une grande puissance, pas seulement au point de vue main-d'œuvre, ce qui est évident, mais aussi charbon, fer, tous les métaux plus ou moins rares. Maintenant, on sait même que le pétrole est assez abondant. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a simplement une question de mise en valeur, c'est-à-dire des investissements et la mobilisation de main-d'œuvre. Mais bien entendu, ça ne sera pas très rapide. Comme vous le savez, même en Union soviétique, ce qui était un pays sous-peuplé, l'industrialisation continue depuis 5 décennies, et certainement ce n'est pas encore terminé parce qu'il y a encore des secteurs comme par exemple fibre artificielle ou l'industrie chimique où c'est même pas mi-chemin. Donc je pense qu'il faut envisager un processus qui ira au moins jusqu'à la fin de ce siècle avant que la Chine deviendra une puissance industrielle d'à peu près 1 milliard de citoyens. Il ne fait pas le moindre doute que la Chine est en train de répéter ce que la Russie a fait, disons, entre 1930-35, la fabrication en masse d'une génération de techniciens. Je ne suis pas sûr qu'avec ce programme accéléré de l'enseignement technique, on soigne, pour ainsi dire, suffisamment l'héritage, disons, humaniste. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va fabriquer un énorme nombre de techniciens, une génération, disons, appliquée, qui sera en position d'accélérer énormément l'industrialisation de la Chine. Et là, nous occidentaux, je pense, malgré notre prédilection pour vouloir être surpris tout le temps, mieux nous nous préparons pour cette éventualité que d'ici une dizaine ou quinzaine d'années, la Chine aura un grand nombre de techniciens dans tous les domaines où son développement demande des spécialistes. Un résultat que tous les voyageurs ont souligné. Vous savez que la Chine était, comme beaucoup de pays sous-développés, un pays assez sale. Maintenant, quand vous voyagez dans un train en Chine, vous êtes assez impressionné par la propreté. Je pense que les trains sont au moins aussi propres qu'en Europe ou aux États-Unis. Ce qui est une grande réalisation dans un pays où les gens n'étaient pas habitués. Maintenant, du point de vue hygiène publique, enfin, on a déjà fouetté ces chats assez. Je pense qu'il n'y a pas des mouches. Peut-être il y a quelques-uns en Chine, aussi grands que l'Europe. Mais enfin, on ne le voit pas. Et en tout cas, l'hygiène publique a certainement amélioré considérablement. Et comme conséquence, je suppose que la santé des enfants et même des adultes a gagné. Et effectivement, les enfants que vous voyez dans les rues, dans les écoles et dans les crèches sont des enfants très bien soignés, évidemment pas mal nourris, et de point de vue hygiénique au moins aussi satisfaisant que les enfants dans n'importe quel pays évolué. Il n'en est pas moins vrai qu'il y a un problème de subsistance, parce que si l'industrie se développe peu et mal, c'est la même chose pour l'agriculture. Ce qui se développe, au contraire, c'est la population. Alors on reste actuellement encore dans ce déséquilibre entre la population et les ressources du pays. Ce déséquilibre qui est encore supportable aujourd'hui, mais qui ne le sera sûrement pas à l'échelle d'une génération. C'est Jacques Guillermas qui vient de définir l'obstacle fondamental sur lequel devait buter l'essor de l'économie chinoise. Tibor Mande explique maintenant comment le communisme a pu prendre le relais des philosophies chinoises antérieures. Dans l'histoire de la Chine, on a toujours eu une certaine préférence pour des philosophies 100%, c'est-à-dire des philosophies qui étaient capables de gérer les activités humaines dans tous les domaines. Alors, dans ce sens, il paraît maintenant, bien entendu en rétrospective, il paraît logique que les Chinois ont choisi une philosophie qui également est capable de donner un genre de prescription pour toutes les activités humaines. Seule une telle philosophie était capable de remplacer l'ancienne philosophie d'État qui, par sa structure, par sa conservatisme, a perdu tout dynamisme. Mais reprenons le fil de l'évolution de la politique de Mao. La période des Sans-Fleurs s'épanouit, si l'on peut dire, au début de 1957, Or, il est probable que le rebondissement de la révolution chinoise remonte à l'année 1956. Bien sûr, là, on est dans le domaine des interprétations. Mais ce qui me paraît avoir été décisif, c'est le 20e congrès du Parti communiste soviétique et la dénonciation de Staline. Ce congrès de 1956 a été suivi en septembre 1956 par un congrès du Parti communiste chinois, le 8e congrès. Et ce congrès a mis à la tête du Parti communiste chinois une nouvelle direction qui, tout en laissant Mao Tse-tung à la présidence de la République, a tout de même mis à la tête du parti Liu Shaoqi et Deng Xiaoping, son secrétaire général. Or, il ne fait pas de doute que cette nouvelle direction du parti était une direction, disons, ouvrière. Liu Shaoqi et Deng Xiaoping sont des gens qui ont fait leur carrière dans le Parti communiste chinois, essentiellement dans les syndicats, dans les villes, et qui représentent donc l'aile ouvrière du parti. Mao Tse-tung, au contraire, peut être considéré comme représentant l'aile paysanne et, disons, représente la révolution paysanne. Il y avait donc, dès ce moment-là, une sorte de compromis entre la ligne ouvrière, soi-disant authentiquement marxiste-léniniste, et disons relativement proche de l'Union soviétique, et une ligne plus nationale, plus paysanne, qui était celle de Mao. Or, le cours donné par la direction ouvrière, et peut-être stalinienne encore, dans le Parti communiste chinois, consistait à promouvoir un développement industriel sur la ligne du développement soviétique, avec finalement le développement d'une certaine bureaucratie de parti et une bureaucratie urbaine. Et on peut imaginer que contre cette bureaucratie, contre laquelle Mao Tse-tung depuis toujours s'est opposé à l'esprit bureaucratique, il y a eu, dès 1956, la fin de 1956, cette proposition de Mao Tse-tung disant « il faut que sans fleurs s'épanouissent, que sans écoles rivalisent ». Autrement dit, on peut interpréter cela comme la protestation de Mao contre une sorte de rigidité ou de solidification du parti qui était en train de se développer et que Mao voulait ébranler. Alors 1957 a été marqué par ce fameux discours de la solution des contradictions au sein du peuple, dans laquelle Mao a incité, on peut dire, tous les Chinois à exprimer leur avis, à critiquer, disant que le marxisme n'avait absolument pas besoin de craindre la critique parce qu'il serait plus fort. Mais le résultat de cet encouragement a été un véritable déchaînement de critiques contre le parti, un ébranlement de toute la Chine, et le résultat a été que tout l'appareil du parti en a été ébranlé à tel point qu'il a fallu immédiatement réprimer, et que c'est Liu Shaoqi qui a pris la tête de l'appareil pour réprimer cette extraordinaire floraison de critiques. Là, on peut dire que la révolution marque un temps d'arrêt complet en 1957 par la répression, justement, des sans-fleurs et des sans-écoles, et la remise en ordre complète par le parti de tous les déviationnistes. La seconde étape a été marquée alors par une sorte de nouvelle protestation de Mao Tse-tung, enfin autant qu'on peut l'interpréter, c'est que devant cette reprise de la vie nationale par le parti, de cette nouvelle bureaucratisation, la Commune populaire. La Commune populaire de 1958, je pense, est une sorte de nouvelle offensive de Mao et de son parti paysan contre la bureaucratisation, contre l'industrialisation, contre la direction du pays par la classe ouvrière et par la bureaucratie ouvrière, de façon à rendre la campagne autonome des villes, à organiser la campagne en y mettant l'industrie à sa portée, autrement dit en développant les petites aciéries, en lui donnant une certaine autonomie industrielle. On sait que ça aboutit à une véritable catastrophe économique, en dépit de la compensation que l'aile ouvrière et que la direction bureaucratique avaient donnée avec le grand bond en avant, qui était essentiellement un développement industriel accéléré. Finalement, tout cela a abouti à une catastrophe économique et il a fallu freiner de toutes ses forces le tout. C'est donc la remise en ordre des années 60-61. Seulement, cette affaire, cette grande crise, a coûté sa place à Mao. Et Mao Tse-tung a donc dû, à fin 58, abandonner la présidence de la République, qui a été prise par Liu Shaoqi, et la présidence du gouvernement a été à ce moment-là assumée par Chou Enlai, avec Deng Xiaoping toujours comme secrétaire général du parti. Donc toutes les années 60, 61, 62, 63, 64 sont des années où la direction Liu Shaoqi remet en ordre la Chine d'une façon très modérée, avec des lignes prudentes, dans laquelle finalement, par la consolidation de l'économie, une certaine bourgeoisie a de nouveau fleuri, dans des limites bien sûr assez mesurées, mais dans laquelle, malgré tout, on pouvait voir une résurgence de ce que Mao appelle les tendances capitalistes à la campagne et à la ville. On sait le reste, et principalement l'aventure de la révolution culturelle dont nous avons parlé tout à l'heure. Entre-temps, a été donné au peuple chinois un sujet de réjouissance capitale. Ici Radio Pékin. Camarades et amis, nous vous annonçons une heureuse nouvelle, une nouvelle exaltante. La Chine a réussi l'explosion de sa première bombe à hydrogène. Le président Mao Zedong a déclaré en juin 1958. À mon avis, nous serons entièrement capables de fabriquer des bombes atomiques et des bombes à hydrogène dans un délai de 10 ans. L'ensemble de la population chinoise est tenue résolument tout à fait en dehors de toute information sur la puissance des armes nucléaires, sur les dangers d'une guerre nucléaire et ses effets. Je vois cette société chinoise dans laquelle j'ai baigné un certain nombre d'années se développer d'une manière tout de même très différente des nôtres. Il me semble que nos sociétés convergent dans certaines préoccupations, alors que la société chinoise, au contraire, diverge. Il est certain que les Chinois sont tenus dans un état d'isolement complet et il est certain également qu'ils sont psychologiquement extrêmement plastiques. Mais quels ont été au juste les rapports entre Moscou et Pékin tout au long de cette vingtaine d'années de République populaire chinoise ? Il faut remonter pour les déterminer jusqu'en 1949, date de la proclamation de la République populaire chinoise. C'est en effet à partir de ce moment-là que des rapports organiques se sont développés entre l'URSS et la Chine, et d'abord par la signature du traité d'alliance et d'amitié entre la Chine et l'URSS du 14 février 1950, qui a marqué le début d'une longue collaboration. Il y a ensuite la période de la guerre de Corée, qui a été marquée par des rapports un peu difficiles pour la façon de concevoir le règlement, mais au bout duquel la Chine et l'URSS ont réussi tout de même à composer leurs différences. Ensuite, on parvient aux années 1954, qui marque une étape importante parce que c'est le moment où l'URSS rétrocède à la Chine Dairen et Port Arthur, qu'elle occupait encore en Mandchourie. Puis on arrive enfin à 1956, qui marque alors vraiment le début du conflit, parce que l'interprétation que la Chine a donnée à la déstalinisation, et en particulier au fameux rapport de Khrouchtchev de février 1956, a été à l'origine d'une détérioration continue des rapports entre les deux pays. La période a commencé d'une façon assez calme et sans différend apparent, mais la critique chinoise a été marquée dès le milieu de 1956. Mao Tse-tung a trouvé que on avait vraiment été trop loin dans la critique de Staline et il considérait que Staline avait été vilipendé. Et le procès d'intention a été croissant parce que la déstalinisation a été interprétée par Pékin comme le signe que la Russie avait non seulement l'intention de s'embourgeoiser, enfin ou du moins était sur la route de l'embourgeoisement, mais également vers l'abandon d'une ligne anti-impérialiste que la Chine considérait comme fondamentale. Alors, en 1957, lorsque l'URSS a marqué son intention et son désir de promouvoir la coexistence pacifique avec les États-Unis sur un plan de plus en plus accru, on peut dire que la Chine a à ce moment-là pris ses distances. C'est au moment du lancement du Spoutnik, en octobre 1957, que la Chine a ouvertement montré que la supériorité du camp socialiste était maintenant telle qu'il n'y avait pas de raison de ménager les impérialistes. Et Mao, à la conférence des 64 partis qui s'est tenue en novembre 1957 à Moscou, a montré que le vent d'Est maintenant l'emportait sur le vent d'Ouest, selon ses paroles, et qu'il fallait adopter une ligne intransigeante. Donc le conflit est venu essentiellement d'une appréciation différente du risque de guerre. Les soviétiques considérant que maintenant il fallait développer la compétition pacifique avec le système capitaliste et que le socialisme vaincrait, alors que les Chinois pensaient qu'il fallait s'opposer radicalement, résolument et éventuellement par la lutte armée aux pays impérialistes en soutenant la lutte des peuples africains, asiatiques ou sud-américains qui luttaient contre l'impérialisme américain. Et la divergence a pris une telle proportion qu'à partir de 1959, à propos de l'Inde d'abord, puis ensuite à propos de l'affaire atomique, l'URSS a soudainement coupé son aide à la Chine. Elle a, en 1959, rapporté l'accord atomique qui permettait à la Chine de commencer à fabriquer sa bombe. Et en 1960, elle a soudain rappelé tous ses techniciens et rompu les contrats, ce qui a mis l'économie chinoise dans une difficulté très considérable. Alors, il y a eu ensuite l'affaire de Cuba, qui a alors marqué le grand schisme, parce que c'est à partir de l'affaire de Cuba et de ce que Pékin a appelé la capitulation de M. Khrouchtchev que les critiques sont devenues acerbes. Et alors le conflit a finalement éclaté en 1963, c'est l'année où il est devenu absolument ouvert, public, avec la dénonciation par Pékin du khrouchtchevisme, avec la fameuse lettre du 14 juin 1963, la lettre en 25 points par laquelle la Chine a dénoncé la nouvelle ligne de l'URSS. L'URSS a répondu d'une façon non moins vigoureuse, et depuis, le schisme s'est aggravé. Il s'est encore aggravé après le début de la révolution culturelle, en qui Moscou a vu finalement une continuation de ce qu'ils appelaient l'aventurisme de Mao, qui s'était manifesté dès 58 avec les communes populaires et le grand bond en avant. Enfin, depuis 65, Moscou n'a cessé de dénoncer ce qu'ils appellent le groupe fractionniste et aventuriste de Mao Tse-tung, la terreur de la révolution culturelle. Et la révolution culturelle a été, à n'en point douter, une manière de protester et de lutter contre les tenants d'une certaine ligne soviétique au sein du Parti communiste chinois. Aujourd'hui, on peut dire que le conflit a cessé d'être apparemment virulent. Les injures continuent, mais à un rythme tout de même moins répété, moins fréquent que précédemment. Mais il n'y a aucun doute que le fossé est aussi profond. Est-ce qu'il n'y a pas dans ce conflit un élément de querelle pour les régions frontalières et pour les pays limitrophes ? Cet élément joue certainement, mais je ne pense pas qu'il joue d'une façon très importante et qu'il soit vraiment au fond du problème. Il y a une question de frontière entre la Chine et l'URSS, et la Chine l'a rappelé, notamment en 1964, que somme toute, les traités inégaux n'avaient pas été seulement signés avec les puissances occidentales, qu'il y avait également un problème de frontière avec l'URSS, en particulier sur la région de Vladivostok, les régions limitrophes de la Mandchourie, et également au Turkestan, enfin au Xinjiang. Mais enfin, bien sûr, il y a des incidents de frontière, et on en a même compté plusieurs milliers lors d'un récent bilan chinois, mais ça ne joue pas d'une façon fondamentale dans le conflit entre les deux pays. De toute façon, il est vain d'envisager un retour au passé. Je pense, contre un très grand nombre d'excellents esprits, que c'est une erreur occidentale de supposer qu'à l'heure actuelle nous allons au retour des seigneurs de la guerre, que tout ça va finir par le plus grand désordre. L'homme qui a fait la longue marche est encore tout à fait intact, et la grande puissance qu'il avait de partir de rien et de faire ce colosse qui s'appelle la Chine est encore là, et il n'y aura pas le retour aux seigneurs de la guerre. Quoi qu'on en dise, la Chine est en train de créer son industrie lourde, n'est-ce pas ? Ils ont fait cette expérience comique, qui est l'expérience des hauts fourneaux individuels, qui n'a donné aucune espèce de résultat, mais ils ont tout de même fait aussi les aciéries de Hanyang. Quand je suis allé là-bas la dernière fois, je partais avec les journaux occidentaux qui disaient que, avec les Russes, les aciéries s'étaient arrêtées. Je suis arrivé à Hanyang, il y avait toutes les cheminées en train de fumer. Pour qu'il puisse y avoir un thermidor, il faudrait que Mao fût tué. Mao est la plus grande figure historique de notre époque, dans le sens où l'histoire implique une accumulation de choses. Enfin, Mao, c'est le général de Gaulle qui serait Clémenceau. C'est Staline qui serait Lénine. Le Chinois, même communiste, est reconnaissant à la Chine, même lorsqu'il est épuisé par les épreuves que lui demande ce régime, dans cette marche forcenée en avant pour essayer de rattraper le XXe siècle, il est quand même reconnaissant au régime d'avoir redonné à la Chine sa grandeur dans le monde. Le Chinois est d'abord nationaliste, il est d'abord imbu de la grandeur de son pays, qui est effectivement une très grande civilisation, et il est reconnaissant comme le Chinois de lui avoir redonné sa place dans le monde. C'est donc un sentiment plus nationaliste qu'internationaliste qui s'affirme en Chine. Quant au reste, c'est une aventure tellement démesurée, qui échappe tellement à nos concepts occidentaux, que l'on peut se demander où elle débouchera. Pour l'instant, l'on peut savoir que cette Chine est inquiétante dans la mesure où elle a une température révolutionnaire extrêmement élevée. Elle a 41 degrés de fièvre, alors que la Russie soviétique sans bourgeois et la température révolutionnaire de la Russie est beaucoup moins élevée. Mais ce que l'on peut dire aussi, c'est que cette Chine, elle existe, qu'elle représente aujourd'hui 700 millions d'hommes, qu'un Chinois naît toutes les 4 secondes, que dans 50 ans, sur l'ensemble de la Terre, un homme sur deux sera Chinois. La moitié de l'humanité sera chinoise. Et par conséquent, c'est un fait avec lequel il faut compter. Et qu'en tout cas, ce qui est très dangereux pour l'avenir de la révolution chinoise, c'est de faire une sorte de cordon sanitaire auprès d'elle, de l'isoler, de la laisser dans une espèce de fièvre obsidionale dans laquelle elle est plongée. Et la pire attitude qu'on puisse avoir vis-à-vis de la Chine, c'est de l'ignorer, car c'est encourager, en la laissant vivre en vase clos, toutes ces tentatives démesurées. Une ouverture de la Chine vers le monde extérieur, le sentiment qu'elle n'est pas traitée en paria, peut permettre au contraire de régulariser le cours de ce gigantesque torrent qu'a été la révolution chinoise. Vous avez entendu Mao et 700 millions de Chinois, un documentaire de Jean Rabaud, avec le concours de Philippe de Villers, Maurice Siantard, Georges Pinchonnier, André Malraux, Jean de Lipkowski, Jacques Duhamel, François Bénard, Jules Roy, Tibor Mende et Jacques Guillermaz. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 19 avril 1969. Vous pourrez la podcaster durant un an ou la télécharger durant 1000 jours sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. This ease can lead.